Je n'ai jamais connu qu'un peu d'amour, qu'un peu de joie, à vivre à tes côtés et pour te retenir. Moi j'ai trahi 100 fois mon cœur pour tes désirs. Mal, tu me fais mal, mais lorsque tu me reviens, j'oublie dans tes bras que tu es mon premier chagrin. Mal, tu me fais mal, mais quand je vois ton sourire, je n'arrive pas à te chasser, à te maudire. La nuit, lorsque mes mains espéraient auprès de toi trouver un peu de tendresse, un geste pour me dire que tu tenais à moi, tu te tournais pour dormir. Mal, tu me fais mal, mais lorsque tu me reviens, j'oublie dans tes bras que tu es mon premier chagrin. Mal, tu me fais mal, mais quand je vois ton sourire, je n'arrive pas à te chasser, à te maudire. J'en ai passé des nuits à marcher seul le long des rues, sans savoir où aller, sans autre compagnie que tes cris de bonheur partagés avec. Mal, mais lorsque tu me reviens, j'oublie dans tes bras que tu es mon premier chagrin. Mal, tu me fais mal, mais quand je vois ton sourire, je n'arrive pas à te chasser, à te maudire. Mal, tu me fais mal, mais lorsque tu